Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémouzo, anciennement Radio Trait d'Union. Trait d'Union, c'était pas mal, Trait d'Union non plus. Hein, c'était pas mal. Et donc ce soir, ben, c'est l'émission Mosaïque. Calendrier des esclavages et des libérations. On est lundi, lundi 7 mars. Eh oui, le temps passe. Ça rime avec Mars, le temps passe. Alors, le programme de ce soir, sur le mal logement, Taubira n'a pas de programme. Ben, elle n'a pas de programme sur grand-chose, hein. Enfin, médias, De Gaulle, Macron, sabotage de la sécurité sociale. Ensuite, Mathilde Panot, le cauchemar de Macron, la démocratie. 25 février, crise sanitaire, l'histoire qu'il voudrait nous faire oublier. 10 ans de Mélenchon contre la guerre en Ukraine. Un enregistrement de 3 minutes 32 qui résume les positions de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet sur une dizaine d'années. Hein, ben, c'est pas d'hier. Hein. Il a souvent pris des positions... Claire, ferme. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Monsieur l'abbé, regardez votre soutane, elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de sinople dégénéré. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également Soutaneuf pourpre, Soutaneuf violet. Pour le blanc, devise spéciale de nos laboratoires. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel.

la révolution radicalisée et la révolution. 1933, à Autriche, le chancelier Dollfuss suspend la constitution et instaure ouvertement l'austrofascisme. Les libertés démocratiques sont abolies. 1937, USA, les usines General Motors reconnaissent le United Automobile Workers Union à Détroit. Le syndicat prend pied dans l'industrie automobile. 1980, Salvador, la nationalisation des banques est proclamée. 1977, France, à Mulhouse, les ouvriers des entreprises Schlumpf, se battant pour leur emploi, ouvrent le musée des travailleurs. Il comporte quelque 437 automobiles anciennes collectionnées par les frères patrons alors que les affaires marchaient bien. Voilà. Eh oui. Thank you. Alors, je crois pas l'avoir dit exactement comme ça, là, mais on m'a dit citation. Qu'il y a eu une, on m'a dit, non, on m'a signalé effectivement qu'il y a eu un malentendu. Exonéré de droits de succession. Alors, je ne sais pas, on m'a dit, alors je ne crois pas l'avoir dit exactement comme ça, mais on m'a dit qu'il y a eu une... on m'a signalé effectivement qu'il y a eu un malentendu. Vous savez ce que c'est, hein, que la pression à la radio, à la télé. On sait, regardez comment je galope en parlant. On sait qu'on a peu de temps, on se dépêche, on fait des raccords peut-être inopportuns. Eh ben, juste avant, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère qu'il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Ce qu'il me paraît important de retenir, en tout cas ce qui compte pour moi, c'est vraiment les politiques publiques qu'on peut mener. C'est-à-dire en tant que candidate à l'élection présidentielle, je prétends concevoir et conduire des politiques publiques. Et l'essentiel, c'est donc de voir la situation du logement grâce à ce rapport de la Fondation. Absolument, ce rapport. janvier dernier, l'hebdomadaire souverainiste Marianne publiait des fuites sur le programme économique qu'Emmanuel Macron devrait mettre en œuvre s'il était réélu suite à la présidentielle d'avril prochain. Et au milieu d'un certain nombre de mesures antisociales, Marianne évoquait l'étatisation de l'assurance chômage qui serait transformée en sixième branche de la sécurité sociale. En lisant cet article, je me suis rendu compte que tout n'était pas clair dans ma tête. Dans ma tête, en effet, la sécurité sociale n'est pas étatisée, mais gérée de manière paritaire par les partenaires sociaux, comme on les appelle, c'est-à-dire le patronat et les syndicats. Dans ma tête, toujours, l'économie politique des caisses de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, donc de l'assurance chômage, eh bien, ce n'est pas tout à fait clair. C'est pour clarifier tout ça, dans ma tête, et peut-être dans les vôtres, si vous avez les mêmes doutes et les mêmes interrogations, que j'ai fait appel à Bernard Friot. Bernard Friot, économiste et sociologue, spécialiste de l'histoire du salariat et des conquis sociaux en France. Des conquis sociaux, justement, comme la sécurité sociale, en voie d'être détricotée. Bonjour Bernard. Bonjour Théophile. Alors comme je l'ai dit, je t'ai fait appel pour mettre fin à la confusion dans ma tête, et peut-être dans celle de ceux qui nous écoutent. Je sais confusément que la sécurité sociale telle qu'elle a été conçue à l'origine est menacée, et on me dit que l'assurance chômage est en voie d'étatisation, ce qui serait un mauvais tournant si j'en crois ce qu'on me dit. Aujourd'hui, nous avons la caisse d'assurance maladie de la sécurité sociale d'un côté et la caisse d'assurance chômage l'UNEDIC de l'autre. En quoi ce serait une mauvaise nouvelle si l'assurance chômage devenait une branche de la sécurité sociale? En quoi la sécurité sociale est mieux contrôlée, plus fermement contrôlée par l'exécutif que ne l'est l'assurance chômage? Ben, c'est le même problème que le 100% sécu, le débat autour du 100% sécu. Ou celui de l'unification des régimes de retraite autour de l'AGIRC Arrco, hein, dans des comptes à points. Toutes ces réformes, disons, autour de l'unification d'un régime de sécurité sociale, incluant les mutuelles, incluant les régimes complémentaires, ou plus exactement faisant des régimes complémentaires de retraite le cœur d'un régime unique de retraite, incluant l'UNEDIC dans la sécurité sociale. Tous ces projets sont les mêmes et se heurtent à la même impuissance, je trouve, ou la même faute stratégique des ripostes syndicales. Parce qu'enfin, le régime général de sécurité sociale de 1946, c'est un immense progrès par rapport à tout ce qui existe avant. Il faut quand même revenir sur cette période de 45-46 qui est l'objet d'une histoire entièrement fantasmée. Il y aurait eu une naissance de la sécurité sociale en 1945, à l'initiative du Conseil national de la résistance, ce qui est totalement inexact. En 1945, la sécurité sociale existe dans sa totalité. C'est pour la grosse majorité des caisses, il y a 1000 caisses de sécurité sociale à l'époque, il y a 70 000 salariés dans ces caisses, c'est donc une institution tout à fait considérable. Pour l'essentiel, ces caisses sont d'initiative patronale. Et elles ont été construites au cours de la première moitié du XXe siècle, et avec le cœur du dispositif, qui sont les allocations familiales, une initiative au départ, à la fin du XIXe siècle, de l'État, pour éviter la hausse des salaires des fonctionnaires. Elle est, par la loi de finances annuelle, qui décide du salaire des fonctionnaires, elle va être concentrée sur les seuls chargés de famille, c'est ce qu'on appelle le supplément familial. Et ce dispositif va être étendu au privé, surtout à partir de la crise des années 30, pour éviter la hausse des salaires, vont être créées des allocations familiales dans la loi de 1932 qui vont permettre aux patrons de s'opposer à la hausse en la concentrant sur les seuls chargés de famille. Et c'est pour ça que les allocations familiales sont à la fois une institution extrêmement importante, parce que c'était un outil patronal très très très utilisé et en même temps une institution très mal vue par les travailleurs et une institution gérée exclusivement par les employeurs. À cette période-là. Ce sont des caisses d'employeurs par bassin de main-d'œuvre en général qui gèrent le dispositif. Le second dispositif, c'est les assurances sociales de 1930. Qui sont gérés par des caisses d'affinité en partie, c'est-à-dire par les employeurs qui ont regroupé les caisses d'allocation familiale et les caisses d'assurance sociale dans des caisses gérées par eux, en partie sur initiative confessionnelle ou syndicale, la CGT a quelques caisses, ou mutualistes parfois, mais pour l'essentiel, les caisses d'assurance sociale sont des caisses départementales à gestion paritaire. Parité, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire patronal, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Hein. Donc, en réalité, avant 1945, il y a déjà des institutions paritaires. Ah ben bien sûr. Encore une fois, le cœur de la Sécu, c'est soit des institutions patronales, directement lucratives, c'est-à-dire les compagnies d'assurance qui gèrent la couverture du risque. ATMP, enfin accident du travail et maladie professionnelle, qui est couvert depuis 1898. Hein. Encore une fois, tout ça, c'est une histoire de la première moitié du XXe siècle. Une gestion paritaire s'agissant des assurances sociales, mais qui sont assez peu de choses encore en 1945. Et il y a aussi quelques régimes d'entreprise. Il y a des régimes d'entreprise, mettons, je sais pas, la SNCF, par exemple. Il y a des régimes également de la fonction publique, où là, la gestion peut faire appel aux associations de fonctionnaires, mais c'est une gestion quand même qui reste largement étatique. Alors, par le qu'est-ce qui change en 1945 ? Pourquoi on pense que c'est un grand départ ? Rien ne change en 1945, et c'est pour cela qu'on nous raconte que tout change en 1945. C'est pour noyer 1946. Alors, 1946, là, c'est une subversion communiste de tout ce dispositif. Et cette subversion communiste de tout ce dispositif s'opère à l'initiative donc des militants communistes de la CGT, puisque les militants socialistes de la CGT sont en train de constituer Force ouvrière, hein, qui va s'opposer à la CGT. Et on verra le rôle extrêmement négatif qu'elle va jouer en matière de sécurité sociale. Et puis, sont également en train de préparer la FEN. Hein, les fonctionnaires largement socialistes vont préparer la FEN, la Fédération de l'Éducation nationale, en 1948. Donc la CGT est extrêmement divisée. La CFTC, l'autre syndicat, refuse de participer à la construction du régime général. Elle préférait le dispositif ancien avec des caisses de branches d'entreprise, de caisses territoriales, etc., etc. Ces militants communistes vont appuyer l'action du ministre communiste du Travail qui va mettre en place le régime général, Ambroise Croizat. Et il y a trois mutations essentielles qui sont faites. Hein, la première mutation, c'est la gestion par les travailleurs. Alors, elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. La CGT a été battue en août 1945 lors des débats dans l'Assemblée provisoire. Hein, l'Assemblée élue n'arrive qu'en novembre 1945. La CGT est battue. Elle revendiquait un régime général de sécurité sociale géré sans État ni employeur. Hein. Pas d'État, pas de patron. Là, elle est battue. Et les ordonnances d'octobre 1945 qui créent le régime général prévoit que, par exemple, l'État conserve la maîtrise des taux de cotisation, ce qui est quand même considérable, et des prestations. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui restent dans les mains de l'État, et puis prévoit un quart d'employeurs dans les conseils d'administration, et prévoit, alors que c'est un régime général pour lequel la CGT demandait l'unicité totale, prévoit une division entre les allocations familiales, qui sont le cœur du dispositif de l'époque, hein, initiative patronale, et la santé, la vieillesse et les accidents du travail de l'autre, qui s'y iront dans les CEPAM ensuite. Et l'enjeu, c'est un enjeu de pouvoir, parce que dans les caisses d'allocations familiales, il n'y a que la moitié d'administrateurs salariés, alors que dans les autres, il y a le trois quarts d'administrateurs. Et l'autre moitié, c'est un quart d'employeurs, comme dans les caisses d'assurance maladie, mais un quart de représentants des familles, et ces représentants des familles vont toujours voter avec les employeurs, sauf exception. Donc la première mutation qui s'opère, c'est la gestion par les travailleurs dans les limites que je viens de dire, mais enfin c'est quand même une gestion importante par des travailleurs élus, avec des élections politiques qui ont très grand retentissement et qui ont lieu en 47 dans les entreprises même, avec des sections d'entreprise de la caisse pour qu'elles soient vraiment familières aux travailleurs. Le patronat s'oppose farouchement à cela. Les élections de 50 auront lieu en mairie. Les sections d'entreprise seront supprimées. Il faut éloigner les travailleurs de l'institution, bien sûr. Ça permet aussi d'éloigner les gestionnaires ouvriers de l'institution de leurs camarades, d'en faire des techniciens de la sécu. De réduire le caractère vivant de cette gestion par les travailleurs même de l'institution. La deuxième mutation, c'est la généralité, précisément. C'est la généralité interprofessionnelle, parce qu'on avait des dispositifs de branche, des dispositifs d'entreprise, avec des réalités extrêmement différentes qui faisaient que c'était illisible. Là, ça devient une institution de classe, vraiment, par sa généralité. Alors, qui n'est pas totale, c'est-à-dire que d'une part, une série de professions vont obtenir de ne pas entrer dans le dispositif. Par exemple, les fonctionnaires pour la retraite. Par exemple, les salariés de DFGDF qui vont rester dans un régime propre ou de la SNCF. Et puis, les cadres qui ne relevaient pas, eux, des assurances sociales. Hein, parce que les assurances sociales, il y avait un plafond de cotisation, ou plus exactement, un plafond d'affiliation, pas de cotisation, un plafond d'affiliation en fonction du niveau de salaire. Hein. Au-delà d'un niveau de salaire, on n'était pas concerné par les assurances sociales. Il y avait des régimes d'entreprise, en général assumés par des compagnies d'assurance, pour les employés supérieurs, les ingénieurs, qu'on appelait les collaborateurs en 1930, mais dont il va falloir changer rapidement le nom en 45, qu'on va appeler les cadres. Et là encore, contre la CGT, le plafond d'affiliation aux ordonnances, aux caisses d'assurance sociale de 1930, hein, qui faisait que seuls les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond était affilié aux assurances sociales, ce plafond d'affiliation est supprimé. Donc il y a généralisation. Mais ce plafond d'affiliation est transformé en plafond de cotisation. Et ce plafond de cotisation fait que les cadres ne cotisent qu'au niveau du plafond, mais dans de prestations aussi qu'au niveau du plafond. Et en matière de retraite, c'est sur le plafond qu'ils ont des droits, pas sur la totalité de leur salaire. D'où une brèche, c'est pour ça que la CGT n'en voulait pas de ce plafond de cotisation, une brèche pour créer un régime complémentaire qui va être mis en place en riposte aux communistes du régime général dès 47 par le patronat. Ce sera l'AGIRC, hein, l'association de gestion des institutions de retraite des cadres. Et la troisième nouveauté considérable qui par laquelle les communistes subvertissent, mais dans les limites que j'ai dites, hein, toute la sécu omniprésente en 45, encore une fois, c'est l'unicité interprofessionnelle du taux. Tu prends par exemple les allocations familiales, qui étaient un lieu d'un énorme conflit, puisque quand les salariés demandaient une hausse des salaires, les patrons répondaient « Ah ben non, on va, je vais augmenter mes cotisations aux assurances, aux allocations familiales », et ça évitait la hausse des salaires pour tous. Tu avais, selon la conflictualité justement dans les entreprises, des taux qui allaient de 4 à 17% du salaire brut. 4% c'était le minimum légal. Mais dans les entreprises très combatives, où on se battait beaucoup pour la hausse des salaires, le taux de cotisation aux allocations familiales était élevé. Donc ce dispositif, encore une fois, était totalement aux mains du patronat. Et c'était un outil patronal. Là, le taux devient interprofessionnel et unique. Là, le patronat perd la main sur le taux de cotisation, même s'il la confie à l'État. Et l'État, c'est toujours l'État du capital. L'État, c'est toujours l'État de la classe dirigeante, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a eu un tel enjeu, pour que l'État conserve la maîtrise du taux de cotisation et pas les travailleurs eux-mêmes, malgré la revendication de la CGT. Donc, dès le départ, le taux de cotisation, c'est l'État. Voilà, c'est l'État. Donc, en fait, le nantissement de la caisse, en fait, le niveau de nantissement, d'enrichissement des caisses, c'est l'État qui le décide. C'est l'État qui décide sur forte pression patronale. Enfin, c'est les patrons qui, par exemple, dans les années 50, comme ils ont perdu leur pouvoir dans le régime général, ils n'ont plus que le quart des sièges en matière d'assurance maladie, vont faire une énorme pression pour qu'il n'y ait pas de hausse du taux de cotisation. Les années 50, en matière de maladie, sont une période de relative stagnation du taux de cotisation. Ça a une importance. Mais bien sûr que ça a une importance, évidemment. Donc tu peux avoir un dispositif dans lequel l'État a quand même la main, bien qu'il ne soit pas à la gestion. L'État ne gère pas le régime général du tout. Il ne le gère pas, mais indirectement, il a quand même la main dessus à travers... et donc le patronat, puisque l'État, c'est la voix du patronat jusqu'à nouvel ordre, en matière de taux de cotisation. Donc ce dispositif complètement nouveau et qui a suscité un énorme enthousiasme. Le film de Gilles Perret sur la sociale montre la dynamique qui a entouré la création du régime général au cours du premier semestre de 1946 va être l'objet d'une haine féroce de la part de la classe dirigeante, qu'elle soit dans le pouvoir politique ou dans le pouvoir économique. Et lorsque De Gaulle revient au pouvoir, un de ses premiers gestes, c'est d'attaquer cette gestion par les travailleurs. Il tente de supprimer les élections pour que les administrateurs salariés aient beaucoup moins de légitimité. Il n'y parvient pas. Les élections de 1960 ne sont pas supprimées. Elles sont reportées en 62. Mais en 60, cela dit, dans les décrets de mai 60, il transforme complètement la logique des caisses en réduisant le pouvoir des conseils et en augmentant celui des directeurs. Et par ailleurs... Les directeurs sont nommés ? Alors, les directeurs sont élus par le conseil. Là aussi, c'est une preuve de cette capacité de gestion des travailleurs. Mais quel est l'enjeu, justement, de renforcer leur pouvoir par rapport au Conseil, puisqu'ils sont l'émanation du Conseil? Ils sont l'émanation du Conseil, sauf que, progressivement, ils sont l'émanation d'un Conseil dans lequel la division syndicale fait qu'il n'y a pas nécessairement une dynamique progressiste. Tu peux avoir des syndicats qui s'allient avec les patrons qui obtiennent même une majorité, patrons, syndicats, collaborateurs, disons, contre la CGT, par exemple. Et donc, en 1960, donc non seulement il réduit les pouvoirs des conseils et augmente celui des directions, mais en plus, il crée l'école des directeurs des caisses à Saint-Étienne, l'école supérieure de la sécurité sociale, qui forme les cadres et qui les forme, mais vraiment dans une optique exclusivement gestionnaire et managériale, et dans la détermination à s'opposer aux initiatives des travailleurs. Donc c'est une bureaucratisation. Bureaucratisation qui va alors être amplifiée en 67 par la suppression des élections des administrateurs salariés. Et leur désignation, ça c'est Force ouvrière qui le revendique. Alors Force ouvrière va donc jouer un rôle extrêmement négatif. C'est d'une part, pour se faire une place au soleil, ils vont négocier avec les patrons l'extension de la GIRC à tous les travailleurs du privé. Ce sera l'ARCO. La GIRC, c'est-à-dire les caisses de retraite... C'est les caisses de retraite complémentaires. En quoi c'est extrêmement négatif? Donc ça, c'est de la gestion paritaire. Aussi bien la GIRC de 47 que l'ARCO de 1961, qui ont été construits, l'ARCO a été construit clairement contre la CGT, par une alliance FO C'est l'alliance FO-patronat hein, qui va gérer contre la CGT les éléments du régime général et complémentaire de sécurité sociale jusqu'à ce que le patronat change de partenaire. Hein, la thèse de Jean-Pascal Higelet a très bien expliqué ça, comment le patronat change de partenaire et choisit la CFDT en 1992. Hein, c'est un partenariat CFDT-patronat maintenant qui gère tout, qui gère ce qui reste à gérer, parce qu'en fait, c'est l'État. Hein. Pourquoi ? Parce que ce paritarisme du régime général, avec des administrateurs salariés qui ne sont pas élus, alors il y aura en 81, il y aura un rétablissement des élections, mais si fictif que les élus de 81 le seront jusqu'en 96. Enfin, il n'y aura plus d'élections après. Donc, nous sommes là dans la fiction. Donc, la légitimité populaire de ces administrateurs est extrêmement faible. Leurs pouvoirs, au demeurant, ont été largement basculés du côté des directions, sous les initiatives donc, de De Gaulle. Et c'est Juppé qui achève le boulot en 95-96. Alors, de Juppé, on a retenu l'échec dans la réforme du régime des cheminots, de retraite des cheminots. Là, il est battu. Et cette victoire de l'automne 95 va entraîner une grande dynamisation du mouvement social dans les 96-97. Mais en revanche, sur le volet gestion de la sécurité sociale, là, Juppé l'emporte, hein, avec l'appui de la CFDT, hein, qui a été absolument décisive dans cette affaire-là. Enfin, tous les mauvais coups ont été faits par la CFDT, enfin, l'alliance CFDT-gouvernement de droite, là. Mais ensuite, ce sera Jospin qui fera pareil, enfin, de droite ou de gauche. Hein. La détermination à en finir avec la gestion par les travailleurs, avec l'autonomie vis-à-vis de l'État, est une détermination absolue de la classe dirigeante. Et elle a trouvé, dans la CFDT, l'allié. C'était quoi ? Comment il a réussi à avoir cette victoire techniquement ? Comment il a réussi à en finir justement avec la gestion par les travailleurs Juppé ? Alors, encore une fois, elle était déjà atténuée du fait que le paritarisme ne laissait plus grand place à des travailleurs qui, par ailleurs, n'étaient pas élus et qui étaient désignés sans tenir compte des effectifs ou de l'audience. La CGT avait autant de voix que Force ouvrière, tu vois. Des trucs très... qui décalaient considérablement de la réalité sociale, la gestion. Ben, c'est tout simplement que les mesures Juppé, hein, qui créent les agences régionales d'hospitalisation. Au départ, c'est donc l'hôpital qui échappe plus ou moins à la logique des caisses d'assurance maladie. Et puis les GOP, ce qu'on appelle les GOP, enfin bon, des conventions de gestion qui à la fois sont passées entre le ministère de la Sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie, et la Caisse nationale maladie qui a un rapport hiérarchique avec les caisses, qui n'était pas le cas au départ, et qui va imposer finalement tous ces critères de gestion aux caisses primaires, aux caisses départementales. Donc tu as à la fois une hiérarchisation, une verticalisation du dispositif, et puis la loi de finances de la sécurité sociale. C'est un tournant. C'est un tournant total. Hein. Douste Blasi achèvera du côté de la gestion des établissements territoriales, hein, en transformant les ARH en ARS, agences régionales de santé, qui ont une compétence très au-delà. ARH, ça signifiait quoi ? Agence régionale d'hospitalisation, hein, qui ne concernait que l'hôpital. Et là, tu as une énorme bureaucratisation du dispositif avec des directeurs d'ARS qui sont payés comme les préfets, enfin, et qui vont être un moment décisif d'étatisation. Et d'étatisation sans fonction publique, parce que c'est des agences donc, qui échappent à la logique du service public, fondamentalement. Alors, à ce moment, si je peux résumer, au départ, donc, il y a une percée sociale avec la création d'un régime universel de sécurité sociale, un régime universel géré majoritairement par les travailleurs, qui donne une petite brèche à l'État parce que c'est lui qui fixe le taux de cotisation et donc l'ampleur de la caisse. Finalement, via des processus de bureaucratisation, on délégitime les institutions créées par les travailleurs, on les éloigne des travailleurs, on crée des couches d'administration et de bureaucratie supplémentaire, et puis finalement, on en arrive à un système où on a évacué les travailleurs et on a étatisé, en fait, le système. Alors ça, c'est le régime général, et de façon extrêmement habile, cette étatisation ne concerne pas les régimes complémentaires. Les régimes complémentaires qui étaient voulus dès le départ par le patronat et par la droite. Alors, les régimes complémentaires sont effectivement en matière de retraite, puisque c'est là qu'elles naissent en matière de retraite, dès 47 avec la GIRC. C'est une réponse patronale au régime général. Pourquoi ? Parce que le régime général, en matière de retraite, là, il faut aller sur le fond et pas simplement sur les modalités de gestion. Le régime général, il assure le maintien d'un salaire de référence, quelles que soient les cotisations. Donc, il pose les retraités comme des travailleurs et il dissocie le salaire de l'emploi. Les retraités n'ont plus d'emploi, pourtant, ils ont du salaire. C'est un droit au salaire des retraités. Là, j'ai pas le temps, je vous renvoie à tous mes bouquins sur la question du salaire. Il y a un enjeu, là, tout à fait considérable. La riposte patronale dit non, les retraités n'ont pas droit au salaire, ils ont droit au différé de leur cotisation. Et on va les compter dans un compte individuel de cotisation. On est en répartition, bien sûr. Le patronat n'a jamais préconisé la capitalisation, contre ce qu'on raconte en général. C'est la répartition, mais c'est une répartition capitaliste, c'est-à-dire une répartition qui maintient le travailleur dans son statut. Je ne suis travailleur que quand j'ai un emploi. Quand j'ai pas d'emploi, je suis pas travailleur. Et je n'ai droit au salaire que quand j'ai un emploi. Quand j'ai pas d'emploi, j'ai pas droit au salaire. Alors que l'initiative communiste de 46 dissocie emploi et statut de travailleur, ce qui est très important. Il le dissocie aussi, d'ailleurs, pas que pour la retraite, il le dissocie aussi pour la famille, puisque les parents sont considérés comme des salariés, ils ont droit à du salaire, alors même qu'ils n'ont pas d'emploi. Et c'est ce à quoi Rocard va s'attaquer, en créant la CSG, en disant, ben non, les parents n'ont pas droit à du salaire, ils ont droit à une allocation de couverture des coûts sociaux supplémentaires qu'engendre l'enfant, il faut donc un impôt de solidarité, toujours ce mot de solidarité qui arrive dès lors que le droit au salaire disparaît. Ok, donc globalement, on a un régime général qui est affaibli et qui est étatisé, un régime complémentaire qui est géré, soi-disant de manière paritaire entre le patronat et les syndicats, mais où le patronat a la main et où l'idéologie patronale se déploie. Oui, mais où les syndicats conserve un pouvoir de cogestion, enfin de encore une fois, tout ça se fait sur texte patronal, sur initiative patronale, dans les locaux patronaux, enfin comme les accords nationaux interprofessionnels. Et puis en plus, il y a des jetons de présence, donc une partie du financement syndical repose aussi sur ce genre de choses. On tient les syndicats. Mais bien sûr, une partie maintenant, même des responsables confédéraux de la retraite vont être les gestionnaires des régimes complémentaires, puisqu'au régime général, il n'y a pratiquement plus de pouvoir syndical. C'est ce qui donne aux positions syndicales en matière de retraite une extrême attention. Aujourd'hui, par exemple, où on en est aujourd'hui, c'est que, alors que Macron propose de généraliser les comptes à points, généraliser les comptes à points, c'est dire ma retraite, c'est pas du tout la continuation de mon salaire, c'est la contrepartie de mes cotisations, ce qui est le cœur de la GIRC-ARCO. Eh bien, plutôt que de refuser cela en disant non, nous avons conquis en 46 le droit au salaire des retraités. Les retraités doivent toucher 100% de leur meilleur salaire. Par exemple, une revendication qui aurait du sens. Dans un régime unifié, où on supprime les régimes complémentaires, un régime unifié géré par les travailleurs, comme il l'était en 47, et qui assure le maintien de 100% du salaire de référence aux retraités. Plutôt, et donc on supprime la GIRC-ARCO, évidemment, puisque c'est le cheval de Troie par lequel le patronat peut maintenant imposer la généralisation de ce dispositif de compte à points à la place du régime général. Eh bien non, les syndicats se battent pour la défense de la GIRC-ARCO, c'est-à-dire ils défendent un compte à points pour s'opposer au compte à points. En fait, en réalité, ils défendent leur... C'est pour ça qu'ils sont totalement impuissants. Ils défendent leur place et leur jeton de présence, quelque part. Alors, je ne fais pas ce genre de raccourci. De raccourci. Évidemment que c'est un élément du problème, mais c'est surtout l'élément fondamental du problème, c'est l'oubli par les syndicats de la conquête de 46, d'un régime dans lequel la retraite, c'est la poursuite du meilleur salaire, et non pas la contrepartie des cotisations. Alors, et si on parlait maintenant de l'assurance chômage, parce que l'assurance chômage semble un peu mieux équilibrée aujourd'hui que la sécurité sociale, en tout cas si l'on en croit, ceux qui ne veulent pas qu'elle soit étatisée à l'image de ce qu'a été la sécurité sociale. Comment l'assurance chômage a été construite et sur quelle base elle existe aujourd'hui ? Alors l'assurance chômage aurait dû, selon la CGT, qui là encore une fois est battue en août 45, hein, les ordonnances d'octobre 45 signent cette défaite de la CGT, le chômage ne va pas intégrer le régime général. Et il est créé en 1958 dans un dispositif qui est paritaire. Il est créé contre la CGT, à l'initiative de Force ouvrière et de la CFTC, enfin à l'initiative du patronat qui trouve des alliés à Force ouvrière et à la CFTC. Il crée quelque chose de tout à fait intéressant qui est le droit au salaire pour les chômeurs. Les demandeurs d'emploi ont droit au salaire. Il garantit 33% du salaire brut en 1958. Il va monter progressivement. Et les batailles, il va y avoir d'énormes batailles au cours des années 60-70. Et à la dernière convention unédique progressiste, celle de 79, le taux est de 57% du brut, 70% du net. C'est toujours le taux actuel. Il y a une progression pendant 20 ans, et puis depuis 40 ans, rien. Mais parce que depuis 40 ans, le syndicalisme a renoncé à la bataille du hausse du taux de cotisation. La bataille de la hausse du taux de cotisation a été abandonnée au bénéfice d'un argument qui n'est pas faux, qui dit « si on augmente les salaires, comme les cotisations sont proportionnelles au salaire, sans avoir à bouger le taux de cotisation, on augmentera les allocations chômage ou autres, enfin l'ensemble des allocations. » La Convention de 79, donc, est l'apogée, disons, du taux de remboursement. Alors, la CGT, en 58, s'était opposée à l'UNEDIC, non pas pour son contenu, parce que... L'UNEDIC, ça veut dire quoi ? Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Cette institution qui va gérer l'assurance chômage. Oui, oui, tout à fait, avec des institutions régionales, les ACEDIC. Hein, les ACEDIC, c'est la déclinaison régionale de l'UNEDIC. Et la CGT s'y était opposée, non pas pour son contenu, puisque c'est le droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Hein, c'est la même logique que le droit au salaire pour les retraités, le droit au salaire pour les parents, enfin tout ce qui étend le salaire au-delà du carcan de l'emploi et qui attribue le salaire aux personnes indépendamment de leur rapport à l'emploi, mais parce que c'était une gestion paritaire. Hein, et qu'à l'époque, le régime général était encore géré par les travailleurs en 60. Donc ce que voulait la CGT, c'est que... Expulser les patrons du l'UNEDIC. Bien sûr, expulser les patrons du régime général, expulser les patrons du régime général en général et intégrer l'assurance chômage dans le régime général. C'était ça le projet de la CGT. Et donc, supprimer le paritarisme, en faire un dispositif géré comme le régime général, avec élimination des patrons. Oui, ça c'est vrai. Alors, où on en est aujourd'hui ? On en est donc à des bruits, puisqu'on n'a pas pour le moment de programme d'un candidat, ben manifestement candidat, mais qui ne distille que de façon fort peu démocratique son projet. On a eu des bruits sur le 100% sécu, d'accord ? Et puis là, il y a un bruit sur l'intégration de l'assurance chômage dans le régime général. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Alors, le 100% sécu, parce que je pense que c'est deux choses complètement liées, hein, 100% sécu, régime général. 100% sécu, c'est-à-dire les mutuelles n'existeraient plus. Alors, le 100% sécu, c'est plus subtil que ça, hein, ça peut se faire avec les mutuelles. Hein. Il faut d'abord bien revenir à la présence des mutuelles en matière d'assurance maladie. Théoriquement, cette présence devait disparaître, hein, puisque le projet du régime général en matière d'assurance maladie, c'est d'assurer le moindre reste à charge possible. Il est important, hein, en 45, le reste à charge, en 46. Hein, et les mutuelles vont se battre comme des diables pour conserver le poids qu'elles avaient avant dans les assurances sociales, même s'il n'était pas si important qu'on veut bien le dire. Hein, les caisses mutualistes étaient quand même très très minoritaires. Leur première victoire, c'est ce qu'on appelle la loi Maurice. Hein, c'est en mars 47, une loi qui concerne les fonctionnaires. Hein, en décembre 46, les fonctionnaires étaient entrés dans le régime général en matière de maladie. Hein, pas en matière de retraite, mais en matière de maladie, ils étaient entrés dans le régime général. Non sans difficulté au demeurant, parce qu'encore une fois, il y avait un refus des fonctionnaires d'entrer dans le régime général. Dès mars 47, cette entrée est en quelque sorte diminuée par le fait que leurs mutuelles vont gérer au premier franc les remboursements maladie, à la place des caisses du régime général. Et c'est la loi Maurice qui sauve la mise des mutuelles. Ça démarre par les fonctionnaires et ensuite progressivement, au fur et à mesure que la volonté de réduire le reste à charge sera posée, ce qui est juste, hein, réduire le reste à charge pour les familles, c'est très légitime, mais que la montée en puissance du régime d'assurance maladie ne sera pas suffisante pour assurer la réduction du reste à charge, il monte en puissance, hein, parce que dans les années 40, l'assurance maladie, c'est 35% seulement de la dépense de santé, alors qu'on arrive à 70-80% dans les années 80. Donc il y a une forte montée en puissance de l'assurance maladie dans le remboursement des soins, mais pas suffisante pour que le reste à charge soit faible, et c'est là que les mutuelles vont être largement soutenus par le pouvoir, hein, qui va geler la hausse du taux de cotisation de l'assurance maladie. Hein, elle n'a pas bougé depuis 1979. Hein. La cotisation est toujours 16% du salaire brut, ça n'a pas bougé pratiquement. Et encourager, hein, ça va être le gouvernement Rocard qui est à l'origine de la chose, hein, et qui va créer un marché complémentaire de la santé en invoquant les mutuelles qui sont disons le cheval de Troie présentable, hein, c'est plus difficile de le faire pour AXA, donc on va dire mais c'est pour les mutuelles, d'accord, AXA aussi est sur le coup, mais enfin on va poser ça comme étant essentiellement le terrain des mutuelles, au point que vous allez avoir on va assister à un changement de vocabulaire, hein, ça va être dans les années 90, on va avoir l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Donc, on stoppe la montée en puissance de l'assurance maladie dite obligatoire en matière de santé et on augmente le poids de l'assurance maladie complémentaire. Alors que ce n'est pas du tout une assurance maladie, puisque l'assurance maladie, c'est « je cotise selon » mes moyens et j'ai des prestations selon mes besoins, alors que dans l'assurance complémentaire, la mutuelle, j'ai des prestations selon mes cotisations. Oui, oui. Alors il y a certains qui n'ont pas de mutuelle. Et plus ceux qui n'ont pas de mutuelle. Alors, pour que l'assurance maladie complémentaire puisse tailler des croupières à l'assurance maladie obligatoire, comme, encore une fois, cheval de Troie de la logique patronale en matière d'assurance maladie, tout l'enjeu pour le patronat, ça va être de rendre obligatoire la mutualité complémentaire. Et là, ça va être l'accord, l'ANI de 2014, entre la CFDT et le patronat, qui rend obligatoire l'assurance maladie et que, enfin l'assurance maladie complémentaire, hein, et que une loi du gouvernement Hérault va rendre obligatoire de manière légale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se négocie, hein, c'est que ce qui vaut pour le privé vaille pour le public, c'est-à-dire que l'État employeur participe lui aussi à la mutuelle, parce que, disons, pour faire passer la pilule hein, d'une assurance maladie qui rembourse plus tout, c'est clair que maintenant elle est vouée à un panier de soins, l'assurance maladie, obligatoire, et c'est aux mutuelles complémentaires obligatoires ou aux compagnies d'assurance privée, qu'importe, hein, au demeurant, hein, d'assurer le reste, la cotisation aux mutuelles est prise en charge en partie par l'employeur. En gros, si on arrive à un régime 100% de sécurité sociale, ça veut dire que finalement, les mutuelles sont mises hors de côté, donc ça crée une sorte d'équilibre, ça rééquilibre les choses. Oui, mais ça, c'est dans un monde enchanté. C'est tellement contraire. Si c'était, le régime général est seul compétent, d'accord ? Alors que tout, depuis toujours, est pour le minimiser, d'accord ? Et pour introduire une logique de régime complémentaire, hein, aussi bien en matière de retraite qu'en matière de santé. Si l'objectif de nos adversaires, c'était, on va revenir à 46, faire un régime unique, et c'est l'assurance maladie qui va assurer, sans reste à charge, la totalité de la dépense. On ne peut qu'applaudir. Là, nous aurions effectivement la suppression des mutuelles. En quoi la suppression des mutuelles est fondamentale ? C'est que les mutuelles, elles obéissent à une logique financière. Hein. En fait, c'est des compagnies d'assurance déguisées. Hein. Tes prestations sont en fonction de tes cotisations, pas du tout en fonction de tes besoins, mais de tes cotisations. Et puis, pour qu'elles puissent assurer leur viabilité, elles ont été contraintes d'engager des logiques de réserve considérables. Elles ont embauché des financiers de l'assurance. Hein, c'est la gestion des mutuelles, c'est exactement la même que les compagnies d'assurance. Hein, c'est pareil. Elles se sont regroupées dans des mastodontes, complètement coupées de leurs sociétaires, puisqu'il y a encore une fiction de présence des sociétaires dans la gestion des mutuelles. Et elle relève de ce qu'on appelle en matière européenne du second pilier. Hein. Le second pilier, c'est-à-dire que c'est des entreprises. Le premier pilier en matière sociale, c'est le monopole. Hein. C'est un monopole, il n'y a pas de concurrence. Mais le deuxième pilier, c'est des entreprises en concurrence. Donc, sur le concurrence du marché complémentaire, les mutuelles ont entrepris d'abord une unification à l'échelle européenne d'énormes mutuelles et puis une financiarisation complète. Donc, supprimer les mutuelles, c'est fondamental. D'autant que, par ailleurs, compte tenu de la compétition dans laquelle elles sont, elles ont un coût de gestion sans commune mesure avec le régime général. Hein, le régime général, on est à 5-6%. Les mutuelles, on est à 25% à peu près de coût de gestion. Hein, c'est... Donc, en fait, tu penses que ça n'arrivera pas, qu'il y a finalement un plan caché derrière, derrière le 100% sécurité sociale. Mais évidemment. Hein, sauf si... Alors, c'est ça la question. S'il y a un mouvement populaire... Hein, qui, en matière de retraite, dit « supprimons l'AGIRC-ARRCO ». Le retraité, c'est quelqu'un qui touche 100% de son meilleur salaire, celui de ses 6 meilleurs mois, dans le public comme dans le privé. Si on crée une dynamique autour de ça, là, on a une unification qui est progressiste. Mais tu vois bien. Et pour la maladie. Mais je reviens pour la retraite. Si on ne se bat pas là-dessus, l'unification va être réactionnaire, c'est-à-dire... On unifie autour de la GIRC-ARRCO et c'est « j'ai cotisé, j'ai droit ». Plus de référence au salaire. En matière de maladie, c'est exactement pareil. Ou bien nous sommes en capacité de nous mobiliser pour un 100% sécu qui soit la totalité de la couverture de santé est assumée par les caisses primaires d'assurance maladie, qui peuvent d'ailleurs s'adjoindre tout le personnel qui récupère tout le personnel des mutuelles pour les centres de santé actuellement mutualistes, pour également un accueil des assurés sociaux qui aujourd'hui est devenu impossible dans les caisses d'assurance maladie, ou dans les CAF. Les locaux sont de plus en plus restreints, le personnel n'est disponible que sur rendez-vous, quelques moments de la semaine, enfin, etc., etc. Donc, il s'agit de récupérer, évidemment, tous les locaux et tous les personnels des mutuelles, de les ranger dans un régime général, géré par les travailleurs, et qui assure 100% sans reste à charge. Là, c'est un projet extrêmement progressiste, c'est le projet de 46, ça suppose que les syndicats soient plus financés par les mutuelles, or les mutuelles entrent dans le financement syndical, ça suppose qu'il n'y ait plus d'activité syndicale qui s'exprime à travers les mutuelles, donc il faut vraiment que le syndicalisme coupe avec sa dépendance vis-à-vis de la mutualité, et puis ça suppose une bataille pour supprimer les ARH, ça suppose toute une bataille, les ARS, oui, ça suppose toute une bataille pour constituer des comités locaux de gestion avec les usagers, de définition des besoins de santé, de tout un travail de démocratisation du dispositif. Si les organisations syndicales sont en capacité d'assumer ça, c'est formidable. Bon, en fait, à mon avis, enfin à ton avis, ce n'est pas le projet. Et en réalité, la subversion du sens consiste à utiliser les mots du mieux-disant social pour faire autre chose. Donc il faudrait qu'on soit attentif à ce que finalement sera ce 100% sécurité sociale quand il se dévoilera. Le risque évidemment, hein, si c'est pas, alors donc pour moi la seule stratégie du mouvement progressiste, hein, c'est de s'emparer du truc, de dire chiche, oui évidemment 100% sécu, pas faire de la moue sur ce truc, et 100% sécu ça veut dire ça, d'accord, intégration de tout le personnel et de tous les équipements de la mutualité dans le régime général, gestion du régime général par les travailleurs et remboursement à 100% de toutes les dépenses de soins. Bon, ça, c'est, là, nous sommes dans une, et suppression des ARS, remplacement des ARS par des comités d'usagers, de soignants, à l'échelle territoriale compétente pour définir les besoins et orienter les financements, subventionner l'équipement hospitalier, arrêter la folie de la suppression de tous les hôpitaux locaux concentrés sur des mastodontes avec tous les drames que l'on a de gens qui meurent parce que l'hélicoptère qui devait les transporter à 50 km de là, l'hôpital local ayant été supprimé, n'était pas là à temps, enfin, etc. Ça se multiplie tout ça aujourd'hui. Hein. Ça a sens, là, mais ça suppose une énorme... Le 100% sécu Macron, c'est pas ça du tout. Le 100% sécu Macron, c'est exactement comme pour la retraite. Hein. C'est l'unification des retraites, c'est autour de la GERCARCO, et là, il va falloir unifier autour des mutuelles. C'est la logique de la mutualité qui va s'imposer. Hein. C'est-à-dire une logique financière. En fait, la mutualité va coloniser la sécurité sociale et non le contraire. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est ça le projet, évidemment. Hein, c'est le même qu'en matière de retraite. Mutualité plus assurance privée, en réalité. Mutualité plus assurance privée, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui, en matière de cotisation santé, que la cotisation patronale. Puisque Jospin a supprimé la cotisation salariée. Et donc, les patrons disent, c'est nous qui finançons l'assurance maladie, nous allons fusionner. C'est ça le projet patronal. Nous allons fusionner la contribution que nous faisons aux mutuelles, puisqu'il faut une contribution obligatoire, et la cotisation assurance maladie en un seul truc, et c'est dans la logique actuelle, largement assurantielle, des mutuelles, que nous allons mettre en place un 100% sécu. Ah bah c'est un véritable risque. Alors, pour ce qui est de l'assurance chômage, aujourd'hui, la faire passer dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, la transformer en branche de la sécurité sociale, ce serait finalement la soumettre à la loi de financement de la sécurité sociale et donc entrer dans une logique de baisse progressive des allocations chômage. C'est quoi le piège ? Alors, encore une fois, hein, si on prend la retraite, c'est je n'ai plus droit au salaire, j'ai droit à mes cotisations, à l'équivalent de mes cotisations consignées dans un compte. En matière de santé, ce n'est plus contribution selon mes besoins, c'est mes capacités, prestations selon mes besoins, c'est prestations selon mes cotisations. Toujours la même logique, hein. C'est la cotisation qui est maîtresse de la suite, hein. C'est pour ça qu'il y a une défense de la cotisation aujourd'hui qui a un côté absurde, hein. Parce que ça peut être très, très, très contre les intérêts des travailleurs, cette affaire. Hein. C'est pas, quand on dit étatisation, ça ne veut pas dire fiscalisation, pas nécessairement. Il faut faire attention, hein. Il faut faire très attention. La fiscalisation, à travers la CSG, elle n'assurerait qu'un minimum. Hein. Et le complément serait assuré par une... mais toujours dans le cadre d'un 100% sécu, hein, le complément serait assuré dans une logique du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Donc, une logique fiscale pour un minimum et du j'ai cotisé, j'ai droit pour le reste. En matière de chômage, ben c'est exactement la même chose qui est en train de se préparer. On a déjà une... Jusqu'à présent, encore une fois, le chômage a été construit comme... C'est pour ça qu'il ne faut pas être attentif uniquement au mode de gestion, mais également au mode de calcul des prestations. Jusqu'à présent, il a été construit autour du la prestation chômage, c'est le remplacement d'un salaire de référence, autour de 70% du net pendant 2 ans. Ça, c'est en train de disparaître, par petites touches, à l'initiative conjointe de la CFDT, qui joue un rôle répugnant dans cette affaire, qu'on ne dénoncera jamais assez, hein, d'accord. C'est vraiment des collabos, ces gens-là, hein. Sont des ordures, faut le dire clairement, parce que sinon on est là comme ça à faire ami-ami avec des gens qui sont nos adversaires de classe. Hein. Je parle pas de tel ou tel militant CFDT dans une boîte qui peut être quelqu'un de très bien. Hein. Je parle de la direction de la CFDT. Donc, avec la complicité de la CFDT, le gouvernement et le patronat, qui sont main dans la main, hein, c'est devenu explicite sous Macron, mais c'était déjà le cas depuis très longtemps, hein, ont comme projet que le chômage, ce soit « j'ai cotisé, j'ai droit ». Et non pas j'ai droit à la poursuite de mon salaire. Et des prestations qui assurent un revenu, pas du tout le remplacement du salaire. Comment ça s'est fait par petites touches, ça? Ça s'est fait avec ce qu'on appelle les contrechargeables. Merci à CFDT toujours, hein. Merci Berger, hein, vraiment. On ne dira jamais assez le mal que ce type-là a fait. Les contrechargeables, c'est ceci. Tu cotises, d'accord? Tu cotises... pour le chômage. Et tu entres en chômage. Tu entres en chômage, et pendant ton chômage, tu ne dépenses pas tous tes droits. Tu retrouves un emploi avant. Ton emploi, il est mieux payé que le précédent. Et tu retombes au chômage. Ah, mais attends, t'as pas droit à un pourcentage de ce salaire, de ce meilleur salaire. Il faut d'abord que t'épuises tes droits liés au salaire précédent. Donc, ça n'est plus un pourcentage du salaire, c'est une contrepartie de cotisation. Alors, ça a fait un tel scandale que, parce que ça a réduit les prestations, évidemment, de quantité de chômeurs, ça a fait un tel scandale qu'il y a eu des petits arrangements autour de la chose, enfin, les chômeurs sont sentis pouvoir choisir entre les deux, mais on voit bien comment, progressivement, hein, ce n'est pas le salaire de référence qui devient le mode de calcul de la prestation, mais la cotisation. Deuxième touche, là encore, d'abandon de la prestation comme remplacement du salaire, c'est la dernière réforme. La dernière réforme, c'est l'assurance chômage, enfin la prestation ne remplace pas le salaire. Elle remplace le revenu des 2 dernières années. Alors, si tu as été, mettons, sans emploi pendant 1 an, et puis... avec un emploi pendant 1 an, d'accord, que tu avais, mais je sais pas quoi, moi, 0 euro, on va dire, je prends un exemple fictif, mais qu'importe, 0 euro pendant 1 an par mois, et puis 2 000 euros pendant 1 an par mois, le calcul ne va pas être sur tes 2 000 euros par mois. Il sera sur tes, en moyenne, ben donc tu as eu en moyenne 1 000 euros par mois, d'accord. Et c'est sur ces 1 000 euros par mois que tu vas toucher 70%. Tu vois, ce n'est plus le salaire qui est la référence, tu vois. Progressivement, on est en train d'habituer à une prestation qui est censée non pas remplacer un salaire, mais assurer un maintien du revenu en fonction des cotisations. Comme ça crée, comme c'est ce qu'on appelle la contributivité des prestations. Il faut rendre des prestations contributives. Il faut que ce soit en fonction des cotisations qu'on ait droit à des prestations. Aussi bien en matière de maladie qu'en matière de retraite, qu'en matière de chômage. Et comme ça introduit beaucoup d'insécurité, alors il faut qu'il y ait un plancher inconditionnel. Et ça, c'est la CSG qui est censée assurer un plancher inconditionnel. C'est pour cela que tous les projets de revenus de base inconditionnels sont des projets au service de ce projet patronal. Pas du tout contraire à ces projets, mais au service de ces projets. Alors ensuite, que la gestion soit paritaire ou patronale, franchement, on s'en fout. Je crois qu'il ne faut pas... paritaire ou patronale ou étatique, je veux dire, le mal est fait, hein, dès lors que ce n'est plus le salaire qui est remplacé. L'enjeu n'est donc pas de dire « Oh, conservons notre truc paritaire parce que sinon ça va être étatisé !» L'enjeu, c'est un seul régime qui inclut le chômage, la retraite, la santé, la famille, dans le même régime, géré par les travailleurs, et qui assure 100% du meilleur salaire pour les chômeurs, pour les retraités, et 100% de la dépense pour les malades. Et donc ça reviendrait à augmenter les cotisations pour faire vivre tout cela, et donc à diminuer aussi la ponction actionnariale, que ce soit via les assurances ou via les dividendes. Mais évidemment, hein, évidemment que tout cela n'est viable que par une autre socialisation de la valeur ajoutée. Hein. La valeur ajoutée qui aujourd'hui donc est répartie entre salaire et profit, avec une part socialisée du salaire. Il faut que la part socialisée du salaire augmente et que se réduise d'autant, évidemment, le profit. Merci beaucoup Bernard, ça a été vraiment un plaisir de revenir sur ces notions et on en sort plus intelligent. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je rappelle que le média est un média indépendant qui vit des dons de ceux qu'il aime et des cotisations de ses sociétaires, car nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Donc pour nous soutenir, pour que ce type de contenu continue d'exister, faites-nous un don, devenez sociaux et abonnés du média. Merci. Thank you. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. Le cauchemar d'Emmanuel Macron porte un nom, la démocratie. Car en démocratie, le jour d'une élection, la voix d'un Gaulois réfractaire pèse autant dans l'urne que celle d'un de ses amis milliardaires. Ne lui en déplaise, dans l'isoloir, la voix de l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, équivaut à celle de Jojo le gilet jaune, d'un non-vacciné, d'une chômeuse ou d'un rien. Alors la stratégie d'Emmanuel Macron est claire. Il faudrait que seuls les riches aillent voter. La preuve, les Français ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire sur les listes électorales. Avez-vous fait une campagne nationale d'inscription sur les listes ? Non, surtout pas. Après tout, ce serait dommage que ces personnes non ou mal inscrites chassent le président des riches. Alors, chut, silence. Il ne faudrait pas ébruiter le fait qu'il ne reste que 18 jours pour s'inscrire. Car qui sont-ils ? Les jeunes et les plus pauvres du pays, les mêmes qui ont souffert de votre politique. Et catastrophe pour vous, ils sont 13 millions. Oui, vous avez peur du peuple qui vote, car 109 milliardaires ne pèsent rien face aux 7 millions de chômeurs, aux 8 millions de Français qui ont faim et aux 12 millions d'entre eux qui ont froid. Oui, que le peuple aille voter n'arrangerait pas vos affaires. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron récoltait 8,5 millions de voix. 12 millions de nos concitoyens étaient alors non ou mal inscrits, sans parler des 10 millions d'abstentionnistes. Faites le compte, il y a de quoi faire couler votre Start-up Nation. Je le dis aux concitoyens qui nous écoutent, quand les dégoûtés partent de la politique, il ne reste que les dégoûtants. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous décidez de vous inscrire sur les listes électorales et de venir aux urnes, alors vous pouvez virer Emmanuel Macron et les députés macronistes de cet hémicycle. Une démocratie sans le peuple, voilà ce qui vous fait rêver, Monsieur le Premier ministre. Que le peuple aille voter, voici ce qui vous effraie. Thank you. Une précision pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas habitués, le mot « débattre » prend un sens tout particulier en Macronie. À vrai dire, La République En Marche a du mal avec les nuances. Pour elle, un débat en présence de ministres est un concert de louanges, l'hémicycle une salle de spectacle devant un public conquis. Un discours devient une apologie, une prise de parole, un concours de flagornerie, et cette estrade, un lieu obligé de génuflexion. Si vous voyez des députés applaudir lorsqu'un ministre a une quinte de toux, dresse ses sourcils ou s'approche du micro sans avoir prononcé un mot, n'ayez pas peur, c'est normal. Quand il s'agit d'un débat, a fortiori en matière sanitaire, la même mécanique se met en place. D'abord, un député de La République En Marche s'exclame « Je salue Monsieur le ministre pour son courage ». Un autre enchaîne « Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait pour préserver l'emploi et la santé de nos concitoyens ». Un troisième renchérit « Grâce à votre action, le taux d'incidence du coronavirus a baissé ». Et quand vient notre tour et que nous pointons les failles sérieuses dans votre politique sanitaire, il nous est rétorqué que nous n'avons pas de proposition, que nous sommes hostiles à la science, que nous détruisons la démocratie, et surtout l'argument ultime, votre préféré, monsieur le ministre, que nous serions favorables à la mort par Covid. Et ceci avec une constance qui force l'admiration, collègues, tant il n'est pas un centimètre de chaussure des ministres que vous n'ayez pas minutieusement ciré. Reprenons depuis le début. Année 2020. 24 janvier, Agnès Buzyn nous assure que les risques de propagation du coronavirus depuis Wuhan sont très faibles. 1er février, dans le doute, vous avez lancé un numéro vert. 29 février, vous détournez un conseil de défense sanitaire pour avaliser le 49-3 sur la réforme des retraites. 6 mars, Emmanuel Macron se rend au théâtre et déclare « La vie continue, il n'y a aucune raison de modifier nos habitudes de sortie ». 16 mars, Jupiter a tonné. 6 fois, nous sommes en guerre, confinement généralisé dès le lendemain. Mars toujours, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut tester, tester, tester. Vous, vous faites passer un projet de loi en urgence pour saccager le code du travail, revenir sur la limite maximale des 48 heures hebdomadaires et modifier le droit au congé payé. En mars toujours, pénurie de masques, mais pas grave, car Sibeth Ndiaye nous dit qu'ils sont inutiles si on n'est pas malade. Et vous déclarez, monsieur le ministre, que la plupart des soignants contractent le virus en dehors de l'hôpital. Les premiers et premières de corvée travaillent non protégés et les essentiels de la nation sont les plus mal payés. Avril, pénurie de surblouses, pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Monsieur Le Drian nous dit que 2 milliards de masques ont été commandés à la Chine et qu'ils arriveront en juin. À ce stade, 0,5% de la population est testée, pas grave, car Emmanuel Macron nous dit que tester l'ensemble de la population n'aurait aucun sens. 11 mai, déconfinement. La France n'est toujours pas capable de communiquer le nombre de tests exacts réalisés sur son territoire. Sur la pénurie de masques, Emmanuel Macron répond « Nous n'avons jamais été en rupture ». 18 mai, 70 écoles sont fermées, toujours pas de purificateur d'air dans les classes. 3 juillet, le déconfinement est un tel succès que Monsieur Déconfinement est promu au rang de Premier ministre. 25 septembre, les enseignants ne sont pas considérés comme des cas contacts. Octobre, Emmanuel Macron, en visite dans un hôpital, nous dit que la saturation des hôpitaux n'est pas une question de moyens, mais une question d'organisation. 16 octobre, Jupiter a tonné, couvre-feu. Toujours pas de recrutement de soignants, ni de nouveaux lits. La règle est la suivante, pas plus de 6 personnes chez soi. Sur votre lieu de travail ou dans le métro, même à 40, ça va. Novembre, le projet de loi de finances prévoit 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public. Novembre 2020 toujours, Jean-Michel Blanquer juge inutile et même dangereux l'installation de purificateurs d'air dans les salles de classe. Décembre, 5 700 lits sont supprimés dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie. Plus de 93 000 cancers ne sont pas diagnostiqués sur l'année. Année 2021. Janvier, grande pagaille. Seules 500 000 doses de vaccins sont reçues sur le million promis par le Premier ministre. 2/3 des congélateurs de stockage ne fonctionnent pas, les seringues ne sont pas conformes. 15 janvier, Jean-Michel Blanquer ment encore. Il parle de 0,03% de contamination d'élèves pour justifier l'absence de protocole sanitaire à l'école. Toujours pas de purificateur d'air dans les classes. 22 janvier, vous annoncez aux 20h, monsieur le ministre, viser 30 millions de vaccinés fin mai. Dans l'après-midi au Sénat, vous parliez plutôt de 15 millions de vaccinés d'ici juin. La vaccination est ouverte à 7 millions de personnes, mais le pays n'a que 700 000 doses. Fin février, le taux de contamination au Covid-19 en France est parmi les plus élevés d'Europe. Pas grave, puisque le président finira épidémiologiste et qu'il briguera l'agrégation d'immunologie. Mars, vous avez fait appel à 7 cabinets de conseil privés en tout pour la modique somme de 25 millions d'euros. En Ile-de-France, 40% des interventions hospitalières autres que le Covid-19 ont dû être déprogrammées. Les enseignants devront payer le reste à charge de leurs tests salivaires. Toujours pas d'obligation de télétravail du côté des entreprises. 26 mars, on approche des 100 000 morts. Emmanuel Macron en déclare « Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec ». Comme d'habitude, Jean-Michel Blanquer ment sur le nombre de tests réalisés dans les écoles primaires. Avril, les autotests ne seront disponibles que dans un mois. Vous déclarez, monsieur le ministre, l'école n'est pas un foyer infectieux. Les écoles seront finalement fermées le lendemain. La vaccination promise aux enseignants à partir de mi-fin avril est repoussée à la mi-juin. Fin avril 2021, Jupiter a tonné. Levé des restrictions sans l'avis du conseil scientifique. Vous maintenez le couvre-feu à 19h jusqu'à nouvel ordre, sans aucune preuve de son efficacité. 29 avril, le président de la République l'assure, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. 30 avril, vos collègues députés au Parlement européen rejettent un amendement pour lever les brevets sur les vaccins contre le Covid. Juin, 17 millions de masques FFP2 défectueux distribués aux soignants ont été rappelés par votre ministère. 31 mai, vous instaurez le pass sanitaire pour les grands rassemblements. Juillet, vous étendez le pass sanitaire qui ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français aux activités de quotidien. Plus de restaurants, de cafés, de sports, de culture, de cinéma, citoyens non vaccinés. Pour vous, ce sera métro-boulot-dodo. 15 octobre, les soignants sans schéma vaccinal complet sont suspendus, ainsi que les pompiers. Année 2022, 1er janvier, Agnès Buzyn est décorée de la Légion d'honneur. 2 janvier, les enseignants apprennent le nouveau protocole qui a changé 3 fois, la veille de la rentrée dans un article payant. Jean-Michel Blanquer est à Ibiza. 3 janvier, les soignants vaccinés positifs au Covid doivent continuer à travailler. Les soignants non vaccinés mais négatifs sont toujours empêchés de travailler. Vous connaissez la suite. Janvier 2022, les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. 24 janvier, mise en place du pass vaccinal. 31 janvier, le CAC 40 affiche des méga profits de 137 milliards d'euros, 70 milliards de dividendes, 10 millions de pauvres, mais les profiteurs de crise ne sont toujours pas taxés. Février, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap payées 730 euros par mois reçoivent leur premier masque de l'éducation nationale. Essayez de vous faire remarquer par votre silence. Merci. Alors, Madame Panot, présidente Panot, a la parole et elle poursuit. Merci. Voici l'histoire de votre gestion de la crise sanitaire. Alors, collègues, gardez vos éloges pour vos foires. Ce que vous appelez abusivement politique sanitaire n'aura été qu'une interminable suite de couacs, de mensonges et de décisions hasardeuses. Que nous sortions collectivement la tête de l'eau n'efface pas la noyade. Pagaille sur les masques, bazar sur les tests, désordre dans la campagne de vaccination. Vous n'avez rien anticipé, tout piloté à l'aveugle. Vous qui avez clochardisé l'État depuis 5 ans, les mêmes qui s'en remettent à des PowerPoint de cabinet de conseil pour gérer notre malheur national. Nous n'avions pas d'autre choix qu'assister à votre impréparation puisque le Parlement a été piétiné. Conseil de défense, JT de TF1, photocopie au Parlement, ordonnance. Conseil de défense, JT de TF1, photocopie au Parlement, ordonnance. Toutes nos propositions passées à la trappe, la démocratie était devenue du temps perdu. Mais surtout, vous avez fait payer votre amateurisme à la population. Le pass sanitaire était au départ une manœuvre pour rattraper le temps que vous aviez perdu par le fiasco de votre politique. Le pass vaccinal n'est qu'une fantaisie autoritaire d'un pouvoir aux abois. Avec celui-ci, vous vous donnez les atours de gens responsables alors que vous avez semé le chaos depuis 2 ans. Vous stigmatisez une partie de la population plutôt que d'assumer votre faute collective. Preuve que les passes n'ont rien de sanitaire, ils seront levés à quelques semaines de l'élection présidentielle en espérant que les Français aient la mémoire courte. Pendant 2 ans, monsieur le ministre, vous avez navigué à vue et entraîné la population dans votre naufrage. Pour cela, il est urgent de vous mettre hors état de nuire, parce qu'en matière sanitaire, et pas seulement, la vérité est celle-ci, vous êtes un danger public. Merci. On me dit que les frontières doivent rester intangibles, j'en suis bien d'accord, mais il faut en parler. Ou bien on en parle, ou bien on fait la guerre. Mieux vaut en parler. Je trouve que la solution de la conférence est la solution la plus réaliste. Alors qu'a fait M. Poutine ? Je ne dis pas qu'il a raison. Il a fait quelque chose que je n'admets pas, qui est de transgresser les frontières. Je suis pour qu'on ne touche pas aux frontières. Donc si vous me demandez mon avis, je ne suis pas pour l'entrée en Ukraine. Mais, par conséquent, ce n'est pas être un poutinien que de dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre, il faut négocier. Et je ne veux pas la guerre avec les Russes. Je ne veux pas la guerre avec les Russes, je ne veux pas la guerre avec les Russes. Moi, on m'a mis à la place du méchant. À chaque fois qu'il y a un méchant qui apparaît dans le tableau, il faut que je sois d'accord avec. Un coup c'est Fidel Castro, me v'là castriste, le lendemain c'est Chavez, le surlendemain c'est Poutine. Pour quelle raison sympathiserais-je avec M. Poutine ? Sur la terre entière, les amis, les choses sont en train de se tendre. Regardez bien les types qui sont au pouvoir. Trump. Vous arrivez en Russie, c'est M. Poutine, qui est quand même un grand nationaliste. Il y a une fraternité franco-russe qui fonctionne de peuple à peuple et qu'elle est indépendante des moments politiques particuliers et qu'on peut être un ami du peuple russe, souhaiter que la Russie soit un partenaire sans pour autant être immédiatement un affilié de pouvoir, ce que je ne suis pas. Sergueï Udaltsov est le président du Front de Gauche de Russie. Il a été pris et condamné à 4 ans et demi de prison, qu'il a réellement fait, dans les conditions qui sont très dures de la prison russe. Et que vous puissiez répondre le jour où on vous posera la question, Mélenchon, il est allé en Russie parce que les Russes sont des partenaires, et il est allé voir un opposant, Sergueï Udaltsov, d'accord ? Un gars qui sortait de prison. Je ne vais pas vous dire que M. Poutine est le genre de dirigeant qui me convient. M. Poutine n'est pas mon modèle. Ai-je l'intention de présider comme M. Poutine ? Non. Ai-je l'intention d'appliquer la politique de M. Poutine ? Non. Ma position est la suivante. Les Français doivent être non alignés, ni avec l'un ni avec l'autre. Cela signifie comme conséquence pratique, les Russes ne doivent pas passer la frontière de l'Ukraine, qui doit être respectée absolument, et les Américains ne doivent pas chercher à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. L'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable, quels que soient les motifs qui puissent être invoqués dans le passé récent. Les Russes, la Russie de M. Poutine prend l'initiative de provoquer un recul incroyable de l'histoire sur le vieux continent. L'attaque est là, visible, elle n'exprime rien d'autre à cet instant que la volonté de faire une démonstration de force et de la volonté de puissance du gouvernement de M. Poutine. Il faut que la condamnation soit là, claire, nette, précise, aussi majoritaire que possible, à l'Assemblée générale des Nations unies, pour que nous puissions avoir un espoir d'obtenir ce qu'il nous faut immédiatement, c'est-à-dire le cessez-le-feu immédiat et la sortie des troupes russes d'Ukraine. Il est impératif de créer un cadre qui permette de rediscuter des frontières. Je ne dis pas les mettre en cause, mais discuter du cas particulier que pose chaque frontière mise en cause par l'un ou par l'autre. Du lundi 28 février 2022, non vacciné, il ne travaille plus. Médecin depuis 37 ans, au sein de la petite commune de Charmoy-l'Orgueilleux, Gauthier Bain prévoyait initialement de partir à la retraite à la fin de l'année. Problème, son statut vaccinal a chamboulé tous ses plans. Refusant la vaccination contre la Covid-19, il lui est interdit d'exercer son activité, et on se plaint de manquer de médecins. Enseignant suspendu, ma démarche a été d'alerter et de protéger. Alerter et protéger. Eh bien, c'est mal vu sous le règne de Maître Macron. Alerter et protéger, c'est très mal vu. C'est sévèrement puni. Streng verboten, dirait l'autre. Aurait dit l'autre. Diraient certains. Peu de distinctions sur le marché de l'emploi. Ce sont des chiffres qui donnent le sourire. Sur le bassin d'Épinal, le marché du travail n'est pas morose. En attestent les chiffres dévoilés par l'agence Pôle emploi Épinal. Celle-ci a géré 33% d'offres d'emploi en plus en 2021 par rapport à l'année 2020. une belle dynamique. La mise en place du pass vaccinal le 24 janvier dernier n'a pas beaucoup perturbé les demandeurs d'emploi dans leurs recherches. Alors rappelons qu'il s'agit de Vosges Matin du lundi 28 février 2022. On n'est pas rancunier, mais quand même. Je suis aide-soignante depuis 35 ans, j'adorais mon métier, je l'adore toujours. Ces deux dernières années, je travaillais dans un hôpital Covid. J'ai été Covid, plus 3 semaines couchées avec infection pulmonaire et tout ce qui s'ensuit. Et je n'ai pas été reconnu en maladie professionnelle. Ça, plus ça, plus ça, ça a été la goutte d'eau et le vaccin a tout terminé. Là, j'ai dit que je ne le ferai pas. Voilà. Oui, une aide-soignante. Voilà. Comment on traite les gens. Comment on traite les gens dans cette République française macronienne. Eh oui. Et les Français vont voter comment? Hein? Bah, sous Napoléon III, comment ils ont voté? Ça nous a fait la guerre de 70. Eh oui, 732 000 morts. Bah oui. Et puis en 1914. Et si on leur avait demandé leur avis, est-ce qu'ils auraient voté pour ou contre la guerre? Oh, devinez, hein. Ben là, c'était 8 millions de morts, la guerre de 14, 8 millions de morts. Ah, les électeurs ne sont pas des imbéciles, des cons et des abrutis. Non, majoritairement non. Voilà. Et en 1932... Eh oui, actuellement, on a 6 millions de chômeurs en France, pays démocratique et macronien. 6 millions de chômeurs, c'est-à-dire un Français sur 10, quel que soit l'âge de ce Français, un Français sur 10 est au chômage. Oui, c'est pas de la misère, ça, c'est pas un pays misérable, la France. Non, la misère, il y en a partout dans le monde, sauf en France. Sauf que du chômage, il y en a un peu partout en Europe, puis pas qu'en Europe. Hein. Bon, voilà. Donc 6 millions de chômeurs en France sur 64 millions d'habitants. Eh bien, en Allemagne, en 1932, ils étaient 60 millions, et ils avaient 6 millions de chômeurs, eux aussi. Alors ils ont voté. Ben oui, ils ont voté pour Hitler. Ils ont voté pour Hitler, eh bien ça nous a coûté, à nous, Français, à eux, Allemands, et à bien d'autres peuples, ça leur a coûté 64 millions de morts. Oui, la Deuxième Guerre mondiale, c'est à cause du chômage et à cause du vote imbécile d'un certain nombre d'électeurs. Là, c'était les Allemands qui ont voté mal, mais nous avons voté mal d'autres fois avant, d'autres fois après. Et c'est chacun son tour. Ben oui, de faire des erreurs phénoménales, monumentales, historiques, criminelles, très criminelles. Ben oui, 64 millions de morts, c'est un crime, hein, voilà. Inqualifiable. Guerre en Ukraine, la riposte européenne, livraison d'armes à l'Ukraine, fermeture de l'espace aérien, sanctions sur les alliés de la Russie et interdiction de médias de l'État. Les déclarations de Poutine sur l'éventuel usage de l'arme nucléaire ont contraint l'Europe à réagir et changer de stratégie en matière d'armement. On ne dit pas qu'il utilisera la bombe atomique. Non, il laisse entendre que, hein, comme ça on ne pourra pas lui faire le reproche de l'avoir dit. Eh oui, oui, il est plus malin que pas mal de diplomates, mais oui, malheureusement. Hein, eh oui, c'est embêtant ça. Hein. Vladimir Poutine est-il fou? Avec les nouvelles déclarations de Vladimir Poutine émerge une interrogation déjà présente depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le maître du Kremlin est-il devenu fou? Oh, s'il est fou, ça fait déjà un certain temps. Mais bon. Faudrait y réfléchir. Sa mystérieuse fortune et sa villa à Biarritz. Eh oui, il a une villa près de la plage de Biarritz, estimée à 2 millions d'euros. Oh ben ça va, il n'est pas pauvre. Hein. S'il vient à être destitué, hein, ouais, voilà. France, les oligarques russes bien implantés. Alors c'est les oligarques russes qui sont à cause actuellement, et Poutine. Et en France, ben, ils étaient bien accueillis, ils étaient considérés, traités comme des riches. En France, on traite bien les riches, on traite mal les pauvres, on traite mal les malades, les retraités, les chômeurs surtout. Ah, les chômeurs, ils sont très mal traités dans ce pays. dans ce beau pays de France, ce beau pays, ce très beau pays, 6 millions de chômeurs dans ce beau pays, vous vous rendez compte un peu? Et comment ils vont voter les Français? Ils vont voter intelligemment, vous allez voir. Ouh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oh oui. Pyongyang reprend ses lancements de missiles. La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique, le 8e cette année, après un mois d'accalmie pendant les Jeux Olympiques de Pékin et au moment où l'attention internationale est focalisée sur l'Ukraine. Voilà, voilà. Trump éreinte l'OTAN. Les partisans de Donald Trump ont applaudi leur héros, H-E, accent aigu, R-O-S, hein, c'est écrit dans le journal, samedi, au troisième jour de la grande convention annuelle des conservateurs américains à Orlando, en Floride. L'occasion pour ce dernier de faire l'éloge de l'intelligent Vladimir Poutine et de critiquer les dirigeants occidentaux. Et si on les attachait ensemble, ces deux-là, et qu'on leur dise, voilà, ben on vous libérera quand il y en aura un des deux qui aura tué l'autre. Que le meilleur gagne. On pourrait faire ça avec des chefs d'État en exercice ou... Oui, ben oui, tiens, ça serait un jeu intéressant, un spectacle intéressant à la télé, hein. Pour les pacifistes et les bellicistes auraient du spectacle pour leur argent. L'OTAN a-t-il dit à l'air tout sauf intelligente, en frappant la Russie de sanctions au lieu de se décider à la réduire en miettes. Ah, ouais, au moins psychologiquement. Le problème n'est pas que Poutine soit intelligent, parce que, bien sûr, il est intelligent, a-t-il poursuivi. Le vrai problème est que nos dirigeants soient si bêtes, a-t-il dit en imputant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la faiblesse de son successeur Joe Biden. Des dirigeants qui seraient pas intelligents. Allons, nous autres électeurs, on vote pas pour des imbéciles quand même, ni pour des salopards. Mais non, jamais, hein, mais non, allez. Les électeurs votent aussi pour le physique d'un candidat, écrit François Ourmand. Aujourd'hui, les candidats sont moins des représentants de partis que des individus symboles, écrit-il dans Vosges Matin du lundi 28 février 2022. Il devrait bien se présenter aux élections, ce monsieur-là aussi, tiens, pour voir, hein. Alors, la surexposition des politiques sur les réseaux sociaux est à double tranchant. Elle les discrédite parfois plus qu'autre chose. Ah, ça c'est contradictoire par rapport au titre. Mais enfin, bon, c'est pas grave, la politique c'est pas... Ça concerne des millions de personnes, ça peut valoir des souffrances terribles, mais c'est pas grave, les gens ils votent comme ils veulent, pas comme ils peuvent. Ah oui, on peut pas leur en vouloir aux électeurs. Ils sont conditionnés par la presse depuis des décennies. Les radios, les télés, c'est pour ça qu'on avait inventé les radios libres. Libres, vous entendez ce que ça veut dire? Libres, des radios libres. Hein? Eh oui, si elles avaient été libres, les radios, ça serait beaucoup mieux. La situation serait différente. Si les radios avaient été libres, si les journaux étaient libres, si les télés étaient libres. Eh oui, mais voilà, c'est pas le cas. Alors, on a les moyens, au lieu d'abêtir un peu les lecteurs. 15 à 20% des intentions de vote sont liées à l'apparence des candidats, selon une étude finlandaise de 2010. La guerre en Ukraine aura un impact sur le vote d'un tiers des Français. Oui. Eh ben oui. Alors tiens, autre chose, là c'est plus le journal, c'est des informations prises sur Internet. Alors Bruno Gassieux écrit, il y a quelque chose d'obscène à encourager les Ukrainiens à se battre contre la deuxième armée du monde depuis les plateaux de télé. Invoquer courage et bravoure depuis son canapé, c'est obscène. Puis déplorer les morts devant sa télé. Ça aussi c'est obscène. Mettez un uniforme et allez-y. Ou fermez-la. Tiens, voilà une qui redevient très consciente depuis quelque temps. Ségolène Royal. Pourquoi ceux qui ont l'expérience de l'impasse des sanctions économiques et pire, des solutions militaires, n'ont-ils pas parlé plus tôt? J'avais défendu cette position mercredi dernier. Le plus consternant, ce sont les candidats et candidates écolo et PS qui cherchent à se sauver en prenant la posture de va-t-en-guerre et de pourvoyeur d'armes pour faire parler piteusement d'eux et faire chef, et surtout pour disqualifier de façon mensongère Jean-Luc Mélenchon. Il tourne le dos aux valeurs de combat pour la paix qui ont toujours structuré notre engagement. Il ne mérite plus de porter le dossard d'une candidature à l'élection présidentielle. Ah, elle est sévère, là, hein. D'ailleurs, c'est au-delà de la gauche, la tradition française, ni Charles de Gaulle, ni Jacques Chirac, ni François Mitterrand ne se seraient alignés aussi vite sur des enjeux qui ne sont pas les nôtres. Ils auraient combattu diplomatiquement, avec leur vision et leur charisme, pour une médiation, tenant en respect Vladimir Poutine dans ses frontières, mais n'étant pas dupe sur les opérations de déstabilisation anglo-saxonne visant l'affaiblissement politique et économique de l'Europe. Alors, tiens, à toutes fins utiles, voici quelques horreurs écrites dans les journaux français sur Jaurès en 1913-1914. Je vous les lirai pas toutes, parce qu'il y en a qui c'est vraiment une droite archi dégueulasse. La droite et l'extrême droite, c'est la même chose, c'est inhumain, voilà. Alors on disait de Jean Jaurès, l'orateur de l'Empire du Parlement français, le reptile du Kaiser dans la presse française. Une fille immonde entretenue par les Allemands. Alors on va rester là. Voilà. Jean Jaurès défendait la paix. Jean Jaurès défendait la paix. Il se battait contre la guerre. Il voulait empêcher la guerre de 14 qui a coûté 8 millions de morts au peuple français, au peuple allemand et à d'autres. Hein? 8 millions de morts. Il se battait contre ça, Jean Jaurès. Et pour ça, eh bien, on l'a assassiné. Des salopards de pourriture de fumier ont assassiné Jean Jaurès. Vous rendez compte un peu comme c'est inhumain, hein? Comme certains sont inhumains dans notre société, dans notre pays. Ukraine, Mélenchon conseille à Macron de ne pas s'agiter comme un petit garçon. C'est lors du déplacement à La Réunion le 26 février que Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la présidentielle, a mis en garde le président de la République. Jean-Luc Mélenchon a en effet averti Emmanuel Macron de ne pas s'agiter comme un petit garçon avec arc et flèche au sujet de l'intervention russe en Ukraine, prônant des négociations pour un cessez-le-feu, ce dont des propos rapportés par l'Obs. Jean-Luc Mélenchon a également déploré l'envoi d'armes de la France en Ukraine. Au lieu d'envoyer du matériel de guerre, vous croyez pas que le plus urgent est le cessez-le-feu et les négociations? Point d'interrogation. S'est-il ainsi interrogé? Il a aussi demandé la convocation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, tout en critiquant les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie. Alors, la France insoumise, réponse à Sandra Blaise du PC Vosges le 25 février 2022. Objet, réunion des forces de gauche et écologistes vosgiennes. Bonjour Sandra. Après concertation et réflexion au sein des groupes d'action de LFI, la France insoumise 88, et du Parti de gauche, à propos du courrier reçu, nous considérons qu'à l'heure actuelle, la rencontre proposée n'est pas à l'ordre du jour. En effet, les élections législatives s'inscrivant de fait en prolongement des présidentielles, aucune réunion efficace en vue d'aboutir à une candidature unique par circonscription n'est sérieusement envisageable en amont de celle-ci. Nous reviendrons donc vers toi et les autres partenaires susceptibles de constituer l'Union populaire le moment venu. Cordialement, les groupes d'action de la France insoumise des Vosges, le parti de gauche. Voilà. Alors, j'ajoute, voter Macron, c'est gâcher la vie à trois générations. Voter Macron, c'est gâcher la vie à trois générations.